Saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Dans 1 Jean chapitre 1, au chapitre 1, dans son verset 5, Mustariake Yatano, et dans son verset 6, na Mustariake Sita, notre Dieu et notre Père, Mungu etu na Baba etu, c'est avec reconnaissance que nous inclinons nos têtes, na kutambua kubwa tunainamisha vichwa yetu, parce que tu as gardé chacun de nous depuis que nous sommes séparés hier. Tangia kutengana jana ni wewe ndio ulichunga kila mmoja wetu. Et tu as permis que nos pieds se dirigent vers ce temple pour écouter ta parole. Na uliruhusu mikulu yetu ipate kuya kuhekalu njoo kushikia neno lako. Nous glorifions ton nom pour tes bienfaits. Tunatukuza jina lako kwa vizuri vyako natendea. Maintenant descends Seigneur. Sasa upate kushuka. Viens parler encore à nos cœurs. Kuya upate kusema tena mioyo yetu. Engendre en nous un respect profond. Uzalishe ndani yetu heshima ya upana. Envers toi. Kwa kuhi. Envers ta parole. Neno lako. Envers ton église. Kanisa yako. Envers tes serviteurs. Watumishi wako. Envers tes autorités. Hata kwenye kwa mamlaka. Seigneur. Bwana. Que toi seul. Uwe peke yako. Tu sois le maître et le seigneur de nos vies. Upate kwa mwalimu na bwana wa maisha yetu. Tu connais tous nos problèmes que nous avons comme des hommes. Unajua mambo yote tunayo sabato. Mais notre confiance repose sur toi. Lakini tumaini yetu ni ndani yako. Réponds à chacun de nous. Ujibu kila moja wetu. Et nous glorifierons ton nom. Na tutatukuza jina lako. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin de ce service. Mwanzo hata mwisho wa mkusanyiko. Sois avec nous. Uwe nasi. Nous avons besoin de ta sagesse. Tunahitaji hekima yako. Ton intelligence. Tunahitaji akili yako. De ta conduite. Tunahitaji mwenendo yako. Comme toi tu l'as promis dans les Saintes Écritures. Paka vile ulilaka maandiko takatifu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous te prions avec foi. Na kuomba na imani. Que tu nous répondras au-delà de nos prières. Na kwamba utetujibia kushindia hata maombi yetu. Parce que nous le demandons. Sababu tunaiomba. Dans les noms précieux. Jina adamani. Le nom de notre Seigneur. Jina la Bwana wetu. Et sauver Jésus Christ. Na mkombozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Premier Jean. Yohana wa kwanza. Chapitre 1. Sura kwanza. Verset 5, 6. Mstari wa 5 na 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Yabari tulipokea juu yake. Et que nous vous annonçons. Na tunamtangazia. C'est que Dieu est lumière. Nikusema Mungu ni nuru. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Na ndani yake amuna giza. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, kama tunasema tu katika ushirika naye, et que nous marchions dans les ténèbres, lakini tunatembea magiza, nous mentons. Ni bongo tunalongofia. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Na atutumikie ata ukweli. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka yake kusoma neno lake. La nouvelle qui nous a été enseignée. I habari batufundisha. Dans l'évangile que nous avons reçu, katika injili tulipokea, et dans tous les enseignements des hommes de Dieu qui nous ont donné, na katika mafundisho yote watumishi wa Mungu watupatia, ils nous ont rassurés, walituhakikishia, que Dieu est lumière. Ya kwamba Mungu ni nuru. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Na ndani yake kamwe amuna magiza. Si nous sommes nés de Dieu, kama tulizalikwa toka Mungu, ou nous disons que nous sommes nés de Dieu, wala tunasema tunazalikwa kwa Mungu. Ce qui est né de Dieu est lumière. Kile kenye kilizaliko kutoka Mungu ni nuru. Et celui qui est né de Dieu, na ule alizaliko kutoka Mungu, il doit marcher dans la lumière. Anapasha kutembea katika nuru. Mais si nous marchons dans le péché, lakini kama tunatembea katika zambi, dans la désobéissance, mukutokuti, et nous affirmons que nous sommes en communion avec le Seigneur, na tunahakikisha kwamba tuko mushirika na Bwana, nous proclamons que nous sommes sauvés, tunatangaza kwamba tunaisha kukolewa, là nous sommes des menteurs, pale tuko wadanganyifu tunalanda. Et la vérité n'est pas en nous. Na ukweli haina ndani yetu. Nous ne vivons pas selon la vérité. Atuishi kufatana na ukweli. Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Il est la vérité et la vie. Na niye njo ukweli na uzima. Et tout celui qui est né de lui, na ule yote alizaliwa kwake, il marchera dans la lumière, atatembea katika nuru, les ténèbres disparaîtront en lui, magiza itapotea ndani yake, et il pratiquera la vérité, na atatumikia ukweli. Si vous vivez dans les mensonges, kama unaishi muzambi mubongo, vous vivez dans le péché, unaishi muzambi, vous n'êtes pas né de Dieu, hauyazaliko bado na Mungu, et vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, na hauyakuwa bado mtoto wa Mungu. C'est ça la nouvelle que nous avons apprise de lui. Njo abari tulipokea kwake. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Na njo yenye kila mmoja wetu anapaswa kuelewa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Nous prenons la 22e question. Tunabeba ulizo ya 22. Que veut dire garder la lampe allumée? Inamaanisha nini kuchunga taa ya kuwaka? Et que veut dire se préparer quand on a déjà le Saint-Esprit? Na inamaanisha nini kujitayarisha wakati mtu anachapokea Roho Mtakatifu? Ni kusema nini? Que veut dire? Ni kusema nini? Se préparer, kujitayarisha, alors qu'on a déjà reçu le Saint-Esprit. Mwile wakati unachapokea Roho Mtakatifu. Le frère ou la sœur qui pose la question, nduku wala dada mwenye anauliza, fait allusion à Matthieu 25. Eko naitosha ni Matayo 25. C'est dans Matthieu au chapitre 25. Matayo 25. Où le Seigneur nous parle des 10 vierges. Mule bwana tusemezea joa bikira 10. Dont 5 étaient sages. Katikati yabo mko atano walikuwa hekima. Et les autres cinq étaient folles. Na au ingine tano wako pumbafu. Après avoir expliqué cette parabole, Kisha, après avoir donné cette parabole, kuleta ifumbo, dans son verset 13, mustari yake ya 13, Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo anasema hivi. Veillez donc. Kesheni basi. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Sababu amuyue wala siku wala wakati. Et si les frères nous posent la question de savoir. Na apa nduku anauliza njua jue. Lorsque nous enseignons, disons, gardez votre lampe allumée, cela signifie quoi? Wakati unaubiri kusema, mchungi mata yenu ya kuwaka, malampi yenu ya kuwaka, na kusema nini? Je réponds à cette préoccupation. Minajibu kuyangaiko. Gardez votre lampe allumée. Kuchunga lampi yako yenye kuwaka. Cela signifie simplement ni kusema tu, veillez sur votre vie, sur votre âme. Kesha yule maisha yako, yule nafsi yako. Vérifiez toute votre vie avec la parole de Dieu si tu es en ordre. Angaisha maisha yako yote na sauti ya Mungu kama uko msawa. Et restez toujours pur. Na ubakie paka safi. Menez toujours une vie sanctifiée. Ukuye kila wakati na maisha ya utakaso. Ne gardez aucun péché en toi qui peut t'empêcher d'aller. Ushitunge zambi hata moyo litakuzuiza kunyanyuliwa. Et soyez remplis du Saint-Esprit en attendant le retour du Seigneur. Na uwe mwenye kujaza na Roho Mtakatifu mkumngojea Bwana. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Mafuta inaonesha Roho Mtakatifu. Et le baptême du Saint-Esprit est l'une des conditions ni fondamental ya makanuni ya msingi que chacun doit remplir ili kila moja wetu anapaswa kuwa nayo en attendant le retour du Seigneur kukongolea kurudia kwa Bwana. Sans le Saint-Esprit comme on l'avait enseigné dans le message pourquoi le Saint-Esprit a été donné bila Roho Mtakatifu vile tulifundisha mujumbe jua nini Roho Mtakatifu lipewa. Sans le Saint-Esprit personne ne sera enlevé. Bila Roho Mtakatifu hakuna mtu atanyanyuliwa. Et sans la vie sanctifiée, na bila maisha ya utakaso, personne ne verra le Seigneur. Hakuna mtu ataona Bwana. Même si tu es déjà né de nouveau. Hata kama ushazali kwa mara ya pili, tu ne verras pas le Seigneur. Autaona Bwana. Dans Marc au chapitre 13, Marco 13, verset 32, pour ce qui est du jour et de l'heure, kwa ile langaria siku na saa, personne n'est laissé. Hakuna mtu anajua. Ni les anges dans le ciel. Hata malaika mbingu. Ni le fils. Wala mwana. Mais le Père seul. Lakini ni baba tu peke. Prenez garde. Mkebe ange. Veillez et priez. Kesheni na ombeni. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Sababu amujue wakati tafika wakati kani. Prenez garde. Et veillez sur votre vie. Na mpate ukesha ulo maisha yenu. Veillez sur votre âme. Kesha ulo nafsi yako. En attendant le retour du Seigneur. Mukongolea kurudia kwa Bwana. Priez. Omba. Pour avoir la force. Jua kwa na nguvu. De surmonter toutes les tentations. Ya kushinda majaribu yote. Pour continuer à mener une vie sanctifiée. Jua kuendelea kuwa na maisha utakaso. Pour mener une vie irréprochable. Jua kuwa na maisha bila kemeo. Priez pour avoir la force de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Jua kuwa na nguvu ya kutumikia neno lote la Mungu. Car vous ne savez pas. Kwani amujue. Quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Wakati kani mwana wa mtu atakuja. Et quand il viendra? Na wakati atakuja. Il faut qu'il nous trouve prêt. Na fazali atukute tayari. Mena une vie sanctifiée. Benye kuwa na maisha utakaso. Et nos cœurs remplis du Saint-Esprit. Na mioyo yenye kujaa na Roho Mtakatifu. Dans Ephésiens au chapitre 6. Wa Efeso sita. Dans son verset 18, il est dit. Musa 18 anasema hivi. En attendant le retour du Seigneur. Mukongojea kurudia kwa Bwana. Faites en tout temps. Mufanye mwakati yote. Par l'esprit qui habite en vous. Tiaro yuko ndani yenu. Toutes sortes de prières. Aina yote ya maombi. Et de supplications. Na maombolezo. Veillez à cela. Keshe kuile. Veillez à la vie de prière, à la vie de prière. Keshe ku maisha ya maombi. Veillez à cela. Keshe kuile maisha ya maombi. Avec une entière persévérance. Na kudumu kabisa. Priez avec persévérance. Kuomba na kudumu. Priez sans se fatiguer. Kuomba bila kuchoka. Et croyez dans votre cœur que votre prière n'est pas vaine. Na kuamini ndani ya moyo kusema ku maombi yenu aina ya bure. Et priez aussi pour tous les saints. Na kuombea tena watakatifu wote. Parce que toi tu es une partie de l'église. Sababu wewe kusemu ya kanisa. Tu es une partie du corps de Christ. Uko sehemu ya mwili ya Kristo. Quand tu vois les faiblesses dans les frères et les sœurs. Wakati unaona mauzaifu mu wanduku. Quand tu vois quelques faiblesses dans l'église. Wakati unaona mauzaifu fulani mkanisa. Priez cela, priez pour cela. Ombea juu ya ile mauzaifu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Ces paroles ne s'adressent pas aux païens. Hii misemo aeleke wa pagano, abambie papagano apana. Ces paroles s'adressent aux fils et aux filles de Dieu. Hii misemo ni ya batoto banaume na banamuke wa Mungu. Qui sont nés de nouveau. Bale banesha kuzali kwa mala apiri. Qui ont expérimenté la sanctification. Wanesha kuonja utakaso. Et qui sont dans le baptême du Saint-Esprit. Na banesha kufika mu batizo wa Roho Mtakatifu. Attendant le retour du Seigneur. Mukongolea kurudia kwa Bwana. La deuxième pensée du frère ou de la sœur. Na wazo ya pili ya nduku wala dada. Était de savoir. Ilikuwa ni jua hiyo. Si j'ai déjà le Saint-Esprit. Kama niko na Roho Mtakatifu. Comment puis-je encore me préparer? Nana kani te jitayarisha tena? Comment on peut me dire ou m'enseigner que je dois me préparer? Ndio kusema te jitayarisha. Je réponds à cette pensée. Najibu kuiwazo. Si tu n'as jamais été informé, frère, ma sœur. Kama nduku dada hayapataka habari. Sachez-le. Yuaye. Que le Saint-Esprit grandit. Ya kwamba Roho Mtakatifu inaendaka mkukomea. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Doit aller à la perfection. Inapasha kukomea kufika kukamilifu. Et la perfection du Saint-Esprit sera atteinte lorsque Jésus-Christ viendra chercher son épouse. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, ayant le baptême du Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Quand la perfection viendra, parce que la perfection elle-même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, c'est à ce moment-là que notre perfection sera parfaite. Mais en attendant, bien qu'on a déjà expérimenté la repentance, le renouvellement de l'esprit, la nouvelle naissance, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, nous sommes toujours imparfaits. Il y a toujours des choses qui manquent en nous. Il y a des choses que nous ne connaissons pas encore. Et des choses que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous venons à l'église tous les jours, c'est pour grandir dans la foi, c'est pour nous perfectionner dans la connaissance, c'est pour nous perfectionner dans les expériences. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous venons tous les jours, c'est pour grandir. C'est vrai. Le Saint-Esprit grandit. Et nous sommes dans une période, dans un temps, de rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de notre vie chrétienne, pas seulement le rétablissement, il doit y avoir une restauration totale de la vie de Jésus-Christ en nous. La restauration de la foi, la restauration du plein évangile, la restauration de la doctrine apostolique, la restauration d'une vie sainte dans chaque croyant. Et toutes ces choses se font au moyen de la parole de Dieu apportée sous l'inspiration divine. Une parole reçue sous l'inspiration est entièrement différente d'une parole reçue sans inspiration divine. Les effets que cause une parole sous l'onction et une parole sans onction sont des choses différentes. L'onction dans la parole de Dieu nous enseigne, nous change, sème en nous cette soif de Dieu, engendre en nous l'obéissance, engendre en nous la vie de la prière, engendre en nous tout ce qui appartient à Christ. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. En attendant le retour du Seigneur, vivez une vie irréprochable devant Dieu. C'est ça, c'est préparé. Ne croyez pas aux fausses doctrines. Et ne défendez pas les fausses doctrines. Évitez de s'essuyer. Car Jésus vient bientôt. Fuyez le monde. et tout ce qu'il renferme. C'est un temps de la purification de tout notre être en profondeur. C'est un temps de vérifier notre vie chaque jour. Quand vous vous réveillez, avant de faire quoi que ce soit, ayez quelques minutes sur votre couche. Faites l'inventaire. Comment as-tu passé la nuit? Ah, à un certain moment, tu t'es réveillé. Quelles sont les pensées qui se sont levées en vous? Quand vous marchez pendant la journée, vérifiez vos paroles, vérifiez vos pensées, vérifiez vos agissements, vérifiez vos sentiments. Toutes ces choses-là sont-elles conformes à la volonté de Dieu? As-tu marché selon la volonté de Dieu? Et lorsque nous arrivons le soir, avant d'aller au lit, c'est encore un temps de vantage. Comment as-tu marché pendant la journée? Vous voyez, vous avez le temps de vérifier là où tu n'as pas bien agi, là où tu n'as pas bien parlé, là où un mauvais sentiment s'est levé en vous. Repentez-vous. Soyez couverts du sang de Christ. C'est ça la bonne manière de se préparer. Si en vous, tu croyez une fausse chose, repentez-vous de la chose, abandonnez cela. J'avais une mauvaise habitude, abandonnez cela. Parce que tout notre être doit être prêt pour le retour du Seigneur. Frère Branham, en parlant dans la seconde venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, prêchée le 17 avril 1957, le 17 avril 1957, à la page, au paragraphe 54, allez même à la paragraphe, au paragraphe 61. Paragraphe 65. 67-69. Frère Branham enseigne. Il est plus tard que nous le pensons. Wakati inesha kusonga kabisa muvile tunewazia. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Atukuyake ukanisa njua kuyaja tu mabanketi mabichi. Ça ce sont les païens qui le font. Ile ni bapagano njwafanyaka vile. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sababu abayue kenyebe wanafanya. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Abayue kenyebe wanakuya ukanisa. Ils ne savent pas pourquoi abayue. Ils ont cru. Njua nini bariaminia. Nous savons pourquoi nous avons cru. Tunayua njua nini tuliamini. Et pourquoi nous venons tous les jours à l'église. Njua nini tunakuya kila siku. Nous avons cru. Njua tuliamini. Pour avoir la vie éternelle et pour être enlevé. Maintenant nous venons à l'église tous les jours, c'est pour recevoir la nourriture qui nous prépare à cet enlèvement. Voilà pourquoi nous venons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Voyez, biko bizuri, na biko nafasi yayo. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Nous venons nous préparer. Tuna kwa kujitayarisha. À nous préparer. Na kujitayarisha. Nos lampes. Tuna safisha mataa yetu. Nous nous examinons à la lumière de la parole. Tunajiangalia kunuru ya neno. Bado tutembee mzuri. Na on marche pas correctement. Bado tunashika sauti ya Mungu na kuondana kile kitu. Kutoa kila parole de Dieu kwa ndio. Amina Seigneur. Nous disons amen. Na tunaomba Mungu msaada. Où tu saïdies, Seigneur, où tu saïdies, que nous puissions marcher correctement. La parole de Dieu m'est dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je dirais, aide-moi que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Je commence à agir. Je commence à prier. En suivant montamment les instructions qui nous sont données. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur moi. Et en moi. Vous voyez bien mes frères. Je vérifie mon salut. Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que réellement je mène une vie agréable au Seigneur? Est-ce que si le Seigneur venait, il irait dans l'enlèvement? Est-ce que ma vie est-elle à la hauteur de la parole de Dieu? Est-ce que je vis une vie au-dessus de toutes les cieux du monde? La parole de Dieu nous aide à nous examiner. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. C'est ce que nous faisons. Dieu est tout à fait. L'église au paragraphe 65. L'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Kanisa na pasi fanya mzuri kwenda kujangalishisha kunuru ya sauti ya Mungu. Concernant kuile mambo notre pureté inahusu usafi yetu, notre loyauté loyauté très loyal mtu wa kunyoloka, notre fidélité uaminifu wetu, et notre dévotion na kujitoa kwetu. Vous voyez, mnaona, est-ce que la manière et dinamna dont tu te consacres au Seigneur. Tu te donnes au Seigneur. Tu te donnes la parole. Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut que tu fasses? Vous voyez. Nous venons pour ça. Mais faut bien me continuer. Mais au lieu de ça, au lieu de nous examiner à la lumière de la parole, nous sommes devenus les canquenniers, les gens qui médisent beaucoup les gens. Ils bavardent en médisant souvent les autres. Des bavards, des médisants, des rapporteurs, des fumeurs de cigarettes, des médisants, des Jézabel peinturés. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De telle sorte que vous ne pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. Jésus-Christ est à la porte. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Oh mon frère. S'il n'y a jamais eu une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement pour une émotion. On doit abandonner cela. Les émotions ne sont pas le Saint-Esprit. Évitez les fantaisies dans l'église. Évitez l'imitation. Évitez les sensationnels. Mais c'est le temps de vérifier toutes choses à la lumière de la parole, si notre foi est conforme à sa volonté. imani yetu inesha kuambatana na mapenzi yake. Unaona ndugu mpendwa? Pas tellement pour une émotion. Aina tu jua uchamuko. Pas pour quelque chose de fantastique. Aina tu kitu ya kuwekaweka bia kujizangeza. Bito afikiri tu. Pas pour être emballé. Aina tu jua kubebwa. Dans une émotion. Uchamuko mwa hivi. Ni pour sauter là, ni pour sauter de joie. Wala jua kwanza ulukaluka tu jua furaha. Nos expériences. Ne doit pas se limiter aujourd'hui en attendant le retour du Seigneur. Aïe, quoi, n'ami pas qu'aller au Mukongola, kuja kwa Bwana. Aïe, tu kushimamia. Aïe, kushimamia nos expériences. Maonjo yetu, ça peut pas se limiter. Aïe, kushimamia. Ça peut pas se limiter. Kukuluka mukanisa. Dans les émotions. Kukuteza mukanisa. Danser dans les de bons cantiques. Kuimba mbo mzuri. Kuimba na furaha. Chanter avec joie. Il est bien, tu dois te mettre bien. Toutes choses là, c'est bien. Mais on doit pas se limiter à ça. Kushimamia. On doit aller plus loin que ça. Kuenda mbali zaidi. Plus loin que ça. Kuenda mbali zaidi. C'est être dans toute la volonté de Dieu. Kuya ndani ya mapenzi yote ya Mungu. Oui, bien aimé frère. Voyez bien mes frères. Pas sauter dans une émotion de joie. Quand les saintes chantent. La guida, les solos chantent. On se réjouit. Mais quand tout s'arrête, on devient froid. Mais en attendant le retour du Seigneur. Nous devons être enthousiasmés. Tu n'as pas ce quoi na odari. Nous avons besoin d'une chose réelle. Tu n'as étage qui tu kakweli. Voyez bien mes frères. Muna ona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Muna ndam pendwa. Pas pour les choses ici superficielles. Aina tu habitu a yuluyulu tu. Mais pour une expérience. Lakini njua onjo. Qui provoque un examen de conscience. Ile kuna sukuma mutu ajangati. Pendant lequel les hommes et les femmes. Ule wakati banaume se mettent en ordre avec Dieu. Bekonenda kuyueka musawa na Mungu. Nous ne sommes plus dans une période. Tuna tena mwakati. Où on doit prêcher. Ule tunapasi kubi. Pour réjouir les gens. Dieu a kufurahisha batu. On doit prêcher maintenant. C'est pour réveiller les consciences des sœurs et des frères qui se préparent pour le retour du Seigneur parce que Jésus est à la porte. Il nous reste quelques poussières. Celui qui nous a promis de venir nous enlever viendra nous chercher. Voyez bien mes frères. Voyez bien, monsieur. C'est un temps d'examen. Ni wakati ya machunguzo. On doit prêcher de manière kubiri munana à ce que la prédication engendre à chaque frère, ipate engendre à chaque soeur un examen de conscience. Ali ya quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, anashika il doit s'examiner. Anapash il quitte la présence du Seigneur après avoir écouté la parole. Il doit examiner sa conscience. Il doit examiner ses sentiments. Il doit examiner son esprit. Il doit examiner sa vie. Et quand il voit qu'il est en dehors de la volonté de Dieu, il se met en ordre. C'est vrai. C'est ça veiller. Ça se préparer. Voyez, c'est comme ça qu'on peut se préparer. C'est comme ça qu'on veille. Frère, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe. C'est-à-dire, nous portons la responsabilité. Nous sommes responsables. Vous voyez, il nous incombe à nous, l'église du Dieu vivant, de nous examiner et de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'évangile et de nous examiner pour voir si il ne nous manque pas quelque chose. Vous voyez, est-ce que je manque dans ma foi pour arriver à pleurer au Seigneur? Est-ce que tu es doux? Voyez, qu'est-ce que tu manques? Parmi les neuf fruits de l'esprit, qu'est-ce que tu manques? Voyez, vous vous examinez. Ninini unakosewa. Ninini unakosa mwimani yako. Ninini unakosa juu utembe mzuri. Ninini unakosa. Na ile itakuempeshe. Itakuzuiza. Itakuzuiza. Kuona Yesu Kristo. Vous voyez. Vous voyez. Unaona. Si nous manque quelque chose. Et surtout. Na zaidi. Quand nous voyons ce qui se passe. Wakati unaona bile bina pitikana. Nous sommes au temps de la fin. Tuko kabisa kwa wakati ya mwisho. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir. Dans le monde pour l'église. Shika kanisa. Pour nous les croyants. Shiba minifu. Il n'y a plus d'espoir. Hakuna tena na tumaini. Dans ce monde ici. Mui dunia hii. La politique. Siasa. Est pourrie. Inesha kuoza. On ne peut jamais espérer dans la politique. Kama kutumainia tena musiasa. Dans la science. Hata mwelimu hii. Elle est pourrie. Elle est arrivée à la fin. La science ne peut pas relever. Non, bien aimé frère. Relever quoi que ce soit dans ce monde. Ce n'est ni l'argent, ni la popularité, ni les maisons, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien sur lequel nous devons nous appuyer. Nos yeux doivent se fixer. Ina pastu kutazama. Ou doivent être fixés. Voilà, ina pastu kwa ya kutazamia tu. Yule ya Calvario. C'est un temps où l'église ne doit pas fainéanter. Ni wakati ile kanisa haiwezi kufanya michezo tena. Aujourd'hui vous constatez. Utaona ya kwamba. Que l'église n'a plus de conscience. Kanisa tena haina nazali. Les croyants aujourd'hui. Bamilifu wa leo. Ne sont plus conscients. Bana tena zamini. Que le retour du Seigneur. Ya kwamba kurudia kwa Bwana. Etimina. Kuna kwa kwa haraka kabisa. Au nom de Jésus. Réveillez-vous, Église. Jésus-Christ est à la porte. Tous les signes annonciateurs se sont déjà accomplis. C'est la grâce de Dieu, la patience de Dieu qui t'attend, que tu te mettes en ordre. Et quand tu seras en ordre, peut-être tu es le dernier élu. Jésus-Christ viendra. Il faut plus fainéanter. Non, bien aimé frère. Ce n'est plus le temps de s'entre-dévorer. Non, bien aimé frère. Avoir des querelles dans les couples. Avoir des querelles dans nos amitiés. Avoir des querelles dans notre fraternité. Avoir des problèmes dans l'église. Ce n'est plus ce temps-là. Vous voyez bien, mes frères. C'est le temps où l'église doit avoir des yeux fixés sur lui. Seigneur, où dans l'église, il ne doit y avoir que l'amour. L'amour de Dieu et l'amour fraternel. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si tu vois que tu es encore querelle, tu dois te mettre en ordre avec le Seigneur. Jésus-Christ est à la porte. Il vient bientôt. Si tu vois que tu manques le Saint-Esprit, ok, demandez le Saint-Esprit. Voyez bien, mes frères, dans le signal rouge de sa venue. Mumaubiri alama mukunda ya kuja kwake. Signal rouge de sa venue. Alama ya mukunda ya kuja kwake. Dans son paragraphe 177. Munuta ki 177. Allez jusqu'au dans le paragraphe 180. Nasko na 180. N'est-ce pas encore qu'un membre de l'église? Et n'êtes-vous pas encore qu'un membre de l'église? Et auna tu paka member wa kanisa? Avez-vous fait le mal? Et urfa kibaya? Que chaque homme, Mutuoti, que chaque femme, Manamuki oti, Manamuki oti, sonde sa vie ce soir même. Sonde, achunguze. Achimbe, achunguze, maisha yake, kila mwanaume, na kila mwanamke, achunguze maisha yake, mangaribi ya leo. Sonde sa vie ce soir. Examinez-vous. Voyez vos propres fautes. Quelle est votre situation actuelle? Si Christ était était maintenant sur cette terre, en train de prêcher ces choses, vous dites, si je l'avais entendu prêcher cela autrefois, Quand nous chikaraux zamani kubiri. Je me serais repenti. Mi pacha kutubu. Si c'était le cas. Kama ikuwa ni vile. Nous avons entendu sa propre parole ce soir. Tunasikia sauti yake mangaribi. Et vous pouvez le faire maintenant même. Na mnaweza kufanya hapa sasa. Même ce soir ici. Hata mangaribi. C'est lui que vous écoutez ce soir. Unasikia mangaribi. Ce n'est pas Ngoi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainangoi ni Bwana Yesu Kristo. Si vous n'écoutez pas les, kama amushikie, la voix du Seigneur ce soir. Sauti ya Bwana imangaribi. Même du vivant de Jésus. Hata kama Yesu kumujima. Vous serez du côté des pharisiens. Utakuwa kungambo wa farisayo. Examinez-vous vous-même. Contrôlez votre vie. Mwangalishishe maisha yenu. Par rapport à la parole de Dieu. Ah, kuambatana na neno la Mungu. Vous voyez mes frères. Unaona ndugu. Examinez-vous vous-même. Mwangalishishe mwe wenyewe. Contrôlez votre vie par rapport à la parole de Dieu. Abandonnez les fausses choses. Laissons les fausses choses. Abandonnez le péché. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes frères. Voilà comment on est prêt. Voilà comment on se prépare. Voilà comment on veille. Dis Seigneur, s'il y a quelque chose de faux en moi, enlève cela. Vous n'êtes pas sûr que si Jésus venait à cette heure, vous serez prêt à vous en aller. Si vous n'êtes pas sûr, préparez-vous alors. Faisons maintenant un petit inventaire. Oui, bien mes frères, c'est ce que nous devons faire. Là, pale, nous veillons, tunakesha, nous nous préparons, na tunajitayarisha, voyez, unaona, nous ne voulons pas supporter de fausses choses en nous. C'est vrai. Dans les 10 vierges. Dans les 10 vierges. Wabikira kumi. Au paragraphe 237. Restez avec la parole. Mbakie tout na neno. C'est le seul moyen. Ni nam na tumoya. Restez bien avec elle. Mbakie tout na neno. Ne vous en éloignez pas. Chende mbari na. Restez bien avec elle. Mbakie na neno. Fiez-vous à ce que Dieu dit. Fiez-vous à ce que Dieu a dit de faire. Mouji, confiez-vous, Mouji toi, quelqu'un dira, quelqu'un dira, restez dans la ligne de Dieu. Lakini uobakie tu mustari ya Mungu. Voilà comment on se prépare. Jo namna ya kujitayarisha. Voilà comment on garde nos lampes. Jo namna tunachunga matai tu safi. Voilà comment on veille. Jo namna ya kukesha. Restez avec la parole. Bakia na neno. Ata bintu mina la bika je. Peu importe comment les choses se déroulent. Même si tout le monde a la parole de Dieu. Kwai ofu. We bakia na neno la Mungu. Approchez-vous à la parole de Dieu. Restez dans la limite de la parole de Dieu. Ceci ne concerne pas beaucoup de gens. Ceci concerne à celui qui a la foi dans l'œuvre de la croix. Beaucoup de gens n'iront pas dans l'enlèvement. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Beaucoup de gens resteront. C'est un petit groupe qui ira dans l'enlèvement. Soyez parmi ces petits groupes qui veillent, qui prient, qui se sanctifient, qui s'examinent à la lumière de la parole, qui aiment être dans le droit en toutes choses, dans la vérité en toutes choses, qui aiment marcher dans la lumière. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Dans la doctrine, mafundisho, soyez correct. Mukwe ba kunyoloka. Dans votre vie, maisha yenu, soyez correct. Mukwe ba ta kunyoloka. Et votre âme, a nafsi yenu, soit remplie du Saint-Esprit. Ipate ujaza na ombi. Que vos paroles, maneno lenu, soit juste. Ipate kwa ukunyoloka. Que vos pensées, mawazo yenu, ipate kwa usawa. Dans la communion avec des frères, ushirika wa ndugu, gardez la ligne de la parole. Uchunge, dans vos relations avec le Seigneur, mapatano yenu, que ça soit vos relations horizontales, ya ou verticale, que ce soit vos relations avec Dieu ou avec vos frères, soyez toujours dans la volonté de Dieu. Gardez la parole de Dieu dans votre foyer, gardez la parole dans vos amitiés, gardez la parole dans les services, gardez la parole dans les quartiers où vous habitez, vivez la parole de Dieu dans vos relations avec les frères et les soeurs. Vérifiez la parole de Dieu. Vivez correctement avec elle. Dans vos relations avec vos conducteurs. Vivez la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Et vous serez heureux et récompensé lorsque Jésus viendra. Ne croyez plus n'importe quoi. À part la Kwamini Kintu, ne croyez pas. Parce que si tout le monde croit ça, bien mes frères, bila kuelewa. Quand toutefois comprendre, Amini Kintu naelewa. Quelque chose que vous comprenez. Quand avant toi, Amini Kintu, si tout le monde croyait, quoi équipende, et que toi, ton esprit ne veut pas, ton cœur ne veut pas, jusqu'à ce que la lumière de Dieu viendra. Voyez bien mes frères. Vous ne savez pas Joanine. Ça, c'est être seulement insensé. C'est vrai, frère. C'est ce que les gens disent. Nous ne croyons pas. Parce que c'est tout ce que les gens disent. Nous croyons parce que c'est la parole de Dieu de la vérité. Et cela est confirmé avec les saintes écritures. Ce n'est pas des versets tordus. Parce que la parole de Dieu elle est flexible. On peut tordre la parole comme on veut. Il y a le Saint-Esprit. Quand une parole est tordue, elle n'est pas à sa place. Le Saint-Esprit dira, cette interprétation de ce verset n'est pas correcte. Voilà l'erreur du Saint-Esprit. À part la tordre, c'est interpréter mal un verset de la Bible. Tafsiri mubaya mwandiko wa Biblia. Et vous aussi, vous croyez à ça? Non. Rome Takatif, Rome Takatif, vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit, Dieu vous a donné, même si tu n'as pas fait d'études, lorsque l'homme interprète mal la parole de Dieu, le Saint-Esprit va détecter et le et toi, tu n'as pas mais les cultures à la pluie. Le Saint-Esprit a quoi le fils, disant que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne résonne pas en moi. Kazi Arom Takatifu. Que Dieu vous bénisse pour ça. Ne croyez pas n'importe comment. C'est ça la prédication dans notre église. C'est tel prédicateur qui avait prêché. Veillez. Sur l'enseignement que vous recevez, sur la vie, sur vos expériences, vérifiez tout. Jésus-Christ est la porte. C'est parce que Dieu appelle il ne veut pas qu'aucun de nous puisse se retrouver dans le mensonge. Ma expérience, les expériences, ça doit être vrai. Et la foi, une foi véritable, les enseignements corrects, avec une vie correcte. Comme lui, il est lumière. Ninuru, aussi nous sommes lumière. Nashi et tout konuru. Comme il est vie, ça veut dire nous sommes vie. Nashi tout kozima. Que Dieu vous bénisse. Bona mungu embariki. Levons-nous pour la prière. Tushima me jokomu. Prions-nous tous ensemble. Tombe si ce n'était pas moi. Que Dieu nous aide à garder nos lampes pures. Ça veut dire tu ne m'attends et tu as quoi?